le malade. On l'a retrouvé en 1000 morceaux. C'était 1253 morceaux. On a tout recollé, tout reconstitué. Et si vous, si vous examinez, monsieur le procureur, vous verrez. Vous verrez que tout a été fait selon les normes. Nous avons été soucieux de placer les yeux vis-à-vis les yeux, le nez vis-à-vis le nez, la bouche vis-à-vis la mouche, et la langue et les dents à l'ouette. Oh, alouette. Hey, j'ai, où ta craquette? Oui, oh, c'est celle-là. Oh, alouette, j'en dis alouette, alouette. Oh, yeah, bébé. Oh, le but, c'est quoi, là? Alouette, j'en dis alouette. J'avais perdu l'air. Quand tu perds l'air, faut pas perdre la face. Parce que les deux, en même temps, là, ça paraît très mal aux yeux d'un public assoiffé de grande musicalité, de structure sonore, de mélopée à l'emporte-pièce et remporte le morceau. Et surtout les bidous. Et Dibidou, vous savez la chanson Dibidou, chassée par Gilles Minot. Gilles Minot qui cherche encore son attache-couenne Ranal, et il l'a jamais trouvé. Ils l'ont asphalté, pas Gilles, mais, son petit coin de pays. Ah ben oui. Pauvre petite fille, oh ouais. Il y a répétition, là. Vous allez vous dire, pourquoi j'ai réentendu pauvre petite fille? Ben parce qu'elle est pauvre, la petite fille, elle est pauvre. Pauvreté intellectuelle. Elle dit bonjour, elle s'en souvient plus comme moi. Sécheresse au niveau du souvenir. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, moi, la sécheresse au niveau du souvenir. Quand ça s'égrène tranquillement, l'événement arrive, déjà là, ça éclate en mille morceaux. Puis là, on n'est plus capable, là. C'est pas comme trouver des membres d'un individu. Recoller ce qui s'est passé est beaucoup plus complexe. Même, je ne veux pas dire inaccessible ou infaisable, mais très compliqué, surtout si vous êtes la seule personne à avoir vécu cet événement-là. Comment les autres peuvent le relater s'ils n'étaient pas présents? Donc, ce que vous avez vécu, vous le déstructurez par manque de souvenirs, par sécheresse du moment présent. Et là, essaye de coller de la poudre. Je sais. Ouais, non, pas besoin de carte. Incapable. Ben, incapable, mais avec beaucoup de... il faut que tu aies de la patience. Eh bien oui, la patience. Venez prendre une pilule pour dormir. Ah, puis elle dormait pas. Elle dormait pas, je vais vous dire. Elle s'était... Oui. Merci. Oh. C'est pas une pilule pour dormir qu'on a pris. L'angoisse monte. Sentez-vous ça, l'angoisse montée, madame? Le son devrait descendre, oui, OK. Oui, c'est... Exactement. Elle avait plusieurs petits flocons. Plusieurs. Pauvre petite fille. Elle s'est juste étirée le bras. Elle n'a pas regardé ce qu'elle prenait. Elle vivait avec un incapable. Un inconscient collectif. Elle avait voté libéral aux dernières élections. Ça n'allait pas bien pour elle. Elle voulait se séparer du Québec, de son copain qui l'arnaquait, qui lui disait, ah, t'es belle. C'est vrai qu'elle était mignonne, pauvre petite fille. Elle était mignonne. Tout le monde le disait, il passait devant, il la connaissait pas, il disait, t'es mignonne. Et toute sa vie, elle était mignonne. Puis, à force de se le faire dire, mignonne, c'est un mot qu'elle commençait à trouver un peu répulsif. mignonne, mignonne, comment ça, mignonne? J'ai pas choisi d'être mignonne. Je suis mignonne parce qu'on me dit que je suis mignonne. Au Népal, parce que peut-être que je serais pas mignonne. Ai-je un don? Pas. Un don mignonne. Le feu a pogné au réchauffé. À cause de la pilule! A pas pris la bonne chose, mais quelques minutes avant, elle avait malheureusement subtilisé un cachet, avalé celui-là, et c'était une chose à ne pas faire, de prendre ce qu'elle a pris après avoir pris ce qu'elle avait pris. Puis, ben, mon Dieu, il me semble que c'est clair comme de l'eau de poche. À voulu fuir. Mais, oui, en Belgique, là, on fuit pas en passant, on fouille. Avez-vous remarqué? Il a dit fouille. Ben. Regardez-moi ça. A voulu fuir. Encore une autre fois. Un, deux. Un, deux, trois, go. Dans son. Le. Pitbull a voulu fuir. A voulu fuir. A senti ses jambes ramollir. Ah non, c'est devenu. On l'a trouvé dans l'escalier. Coupé en deux. Calciné, mon Seigneur. Pauvre petite vieille. Pauvre mignonne. Pauvre fille. Tout le monde est pauvre. Pauvre petite vieille. Pas capable. À partir de là, pas capable. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, ça existe aussi, là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dansons. Le pitbull, c'est aussi bon, c'est aussi merveilleux que 1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas fort. Dansons. Le Pitbull, dans son 1, 2, le Pitbull, danse. Il y a vraiment d'angoisse, hein? C'est danse. C'est un peu comme la chanson de Philippe Catherine. J'en danse. En signe de détresse, là, on bouge un peu les fesses, mais juste un peu, parce que vous pouvez vous enflammer. Pauvre public, pauvre c'est quoi, Aurélien? Mettez votre carte de membre tout près de vous. Pourquoi? Pourquoi c'est important d'avoir une carte de membre de CKRL? Entre autres, pour plein de choses, là, vous encouragez une radio communautaire, la première radio communautaire francophone au monde. Mais deux, si vous vous enflammez, votre carte va pouvoir vous sauver la vie. Là, vous vous demandez, comment ça? Qu'est-ce qui nous sort de son chapeau de perlimpinpin, là, le magicien des mots et des idées, celui qui nous en fait croire, puis on attend toujours l'extravagance, puis on attend toujours la meilleure audition au monde. On l'a jamais eu, puis on l'aura peut-être jamais. Puis là, on se demande, qu'est-ce qu'une carte de membre peut faire pour sauver la vie de quelqu'un? Vous vous demandez, hein? Bon, il y a ça là, vous ça le savoir, hein? Vous attendez après ça pour fermer votre radio pour aller vous coucher, hein? On va le dire à toute fin de l'émission. Non, c'est pas vrai. Une carte de membre, couchez-vous pas, là. Ben, vous pouvez vous coucher, mais écoutez-moi, écoutez-nous. Ben, c'est uniquement le volume un tantinet de 2 degrés. Si vous êtes à 14, descendez à 12. Ça risque de faire un petit bruit de fond. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font de petits tours. Non, je sais, je fais pas ça pour vous lancer dans d'autres sentiers sans vous dire pourquoi la carte de membre est importante. D'un, vous encouragez la radio communautaire la plus francophone, la première francophone au monde. Mais aussi, Si vous sentez que vous prenez en feu, prenez votre carte et vous secouez ça autour de vous. Là, vous allez me dire, oh, maintenant, ça va augmenter l'oxygène, puis là, ça va faire prendre le feu. Prendre le feu, prendre le feu. C'est une chanson de Johnny Depp. C'est mon émission de. C'est mon imitation de Johnny Depp. Prendre le feu, prendre le feu. Ben ouais, prendre le feu, puis prendre la poudre d'escampette et escampettez-vous. Escampettez-vous le plus loin possible. Escampettez-vous pour ne plus revenir. Escampettez-vous un aller sans retour. Escampettez-vous. Quand on est fâché, nous autres, ici. On n'est pas du monde facile. C'est difficile, ça, là. Vous n'êtes pas des gens faciles. C'est très difficile de ne pas être facile. Ça semble simple, mais c'est pas simple. Puis quand je parle comme ça, on dirait que j'ai quelque chose dans le fond de la gorge qui va me faire pleurer. Puis sur ce, je réfléchis souvent, moi. Oui, malheureusement. Je réfléchis trop souvent. Et je m'en viens presque à des solutions rapides, là, du genre, je perds ma vie à la gagner. Me réveille le matin. Train-train quotidien. Jus d'orange. Pas de déjeuner, pas le temps. Le jus d'orange va faire l'affaire. Prends l'autobus. Attends l'autobus. Embarque dans l'autobus. L'autobus est bourré. La veille, elle a bu la bière de Renal Gagné, qui s'appelle le Eddie Mitchell Scotch Ale. Avez-vous entendu parler de ça? Il se brosse la bière, lui. Il a pas peur de ça, de se brosser, lui, le Renal Gagné. Il se brosse la bière, puis il se la fait appeler le Eddie Mitchell Scotch Ale. Première version, parce qu'il va en faire d'autres si elle est extraordinaire. Il a pas pu encore la boire, faut attendre. Ce qui est long lorsque tu brasses ta propre bière, c'est l'attente. L'attente. C'est long, ça sent bon, c'est dans la bouteille. Puis là, tu t'imagines des conceptions de bière pour te faire plaisir, pour te faire rire. Là, je me suis dit, oh, c'est une Scotch Ale. Scotch Ale. Puis j'ai un bouchon avec le drapeau des États-Unis. Il n'y a rien de plus drôle que Eddie Mitchell qui embrasse les États-Unis comme ben des Français. Hein? Le français. C'est l'English. On chante en English. On parle en English. La French Touch. French Touch. Oui. Fait que là, je me suis Eddie Mitchell qui va faire ses albums. Pas en Belgique. Ils ont des studios extraordinaires en Belgique. Même en France, à Paris, dans le 11e arrondissement, il y a un studio extraordinaire pour les chanteurs, les chanteuses, les groupes français. Mais non, les gens qui misent, qui font une admiration exagérée. Moi, l'exagération, je connais pas ça, l'exagération. Pas un gars j'exagère pas, moi. J'ai dit souvent, je suis 500% extrémiste. Et là, avec mon petit bouchon des États-Unis, là, j'ai dit, le Eddie Mitchell Scotch Ale. Je trouvais ça intéressant, le concept. Là, il faut que je trouve la photo qui va illustrer tout ce que j'ai à l'intérieur, là, tu sais, comme idée, comme vision de ma bière. Puis je l'ai pas encore bu, là. Mais je souhaite vraiment qu'elle soit à la mesure, comme je le dis, de ma démesure. Alors, le drapeau des États-Unis, hein, Eddie Mitchell, qui lui, s'en va pas faire ses albums en Belgique ou en Suisse, mais il s'en va à Memphis. Pourquoi Memphis? Elvis Presley. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Elvis Presley. Oh yeah. Love me, thunder, love me too. All my dreams fulfilled. Oh my, oh yeah bébé, oh yeah, il m'a... Hey, tu connais ce bête? Non, je connais pas. I am dangerous for feel with you. In the man with you. Oh, oh yeah bébé, oh my dreams for feel. Wah wah wah wah, wah wah wah wah. Oh my darling, I love you. En signe de détresse, on brûle plus les fesses. À gauche, à droite. Ouh, c'est du SOS. Non, c'est pas ça. C'est un SOS. Ouh, c'est un SOS. Oh, un SOS, un SOS. Oh yeah. Bonne idée. Made me chill. Memphis. Il s'en allait. Livré de la bière. Là, vous vous demandez, est-ce que c'est la Scotch Hill, Eddie Mitchell Scotch Hill, hein? Oh, mes petits coquins. Hein, là, ça mémorise, là, mes petits coquins. Ah, l'histoire le dit peut-être. On fait des livraisons d'autres le soir, mais plutôt vers la nuit. Je vais vous dire pourquoi la nuit. Tout est fermé. En fait, on ne peut pas vendre d'alcool, nous, au Québec, à partir de 23 heures. Tout est bloqué. On arrête de vivre de 23 heures jusqu'à 8 heures. Là, tu veux dire que si on arrête de boire, on arrête de vivre. Mais non, mais je comprends pas pourquoi. Je pourrais encourager les boys. Qui? Les boys. Encourager les boys. Les qui? Les boys. Boys, B-R, boys. Pas Bar Simpson, non, bar, les bars, un bar. Quand tu dis, je vais aller prendre une bière dans un bar, endroit sociable, sociétal, associé à la mafia, non, associé à la boisson, où on peut rencontrer des demoiselles, des jeunes filles, et discuter de choses et d'autres, et des Mitchell, et de Mio Sec, et de tous ses amis, de Simple Mind, de tout ce que je suis en train de dire, Frank Zappa, tous les disques qui sont à côté de moi, on peut discuter de ça avec des jeunes filles pour les impressionner. Puis là, ils connaissent absolument rien, ils disent, hein? Qu'est-ce que c'est ça? M'a mis un grand chapeau défoncé, un futal, un vieux manteau déchiré. Faut pas dire que mon travail c'est zéro, j'suis quand même épouvantail à moineau. Au début quand ils me voient, les oiseaux poussent des grands cris d'effroi tout là-haut. Je me dis que c'est un travail qui est beau, ben quoi être épouvantail à moineau. Mais au bout de pas longtemps, les bestioles font comme j'ai pas l'air méchant, leur mariole. Comme ça, incidemment, elles s'approchent et tout naturellement font mes poches. J'ai beau leur dire nom d'un chien, je vais me fâcher. Je vois bien qu'elles sont pas très impressionnées. J'ai beau dire si je me déplace, ça va chier. Que voulez-vous que je fasse? Je suis coincé. Les pigeons me chient dessus, c'est saumâtre, comme si j'étais une statue en albâtre. Les pruniers qui ont grandi pour des prunes me regardent avec mépris et rancune. Au début, je trouvais ça bien comme métier, vu que je rêvais d'un destin régulier. Mais au beau milieu d'un champ de luzerne, très vite la vie vous semble bien terne. Sûr que si j'étais employé, ce serait pire. Par un patron, je me ferais agonir. J'ai l'avantage au moins d'être grand air, de vivre une vie champêtre et pépère, et pépère. Si bien que quand un pigeon me chie dessus, ça me fait une distraction, je me plains plus. Quand par exemple un faisan sur moi fiante, ça me fait un petit moment de détente. On m'a mis un grand chapeau défoncé, un futal, un vieux manteau déchiré. Faut pas dire que mon travail c'est zéro, je suis quand même épouvantail à moi nourrir. Je suis quand même épouvantail à moi nourrir. Bah quoi? C'est-tu un Elohim? Est-ce que c'est quelque chose là qui vole dans le ciel puis qui atterrit quand il le veut puis qui se promène dans un peu partout sur la dans la ville? C'est qui ça, Frank Zappa? Juste le nom. On n'en revient même pas. Si ça sonne à la porte, puis on me dit de l'autre côté, je suis Frank Zappa. Non, j'ouvre pas. addicted to midnight cream. You know I'll never sleep no more. As you could be. Ah oui, on y est revenu. Tout nu? Pas habillé? C'est une délinquance? Hey, ils sont tout nus, pas habillés. Ben oui, mais comment tu peux être habillé, tout nu si t'es pas habillé, t'es tout nu? Ben oui. Ben ils disent tout nu, pas habillé. Ben non, c'est moi qui dis ça. Tu perds le fil des événements? Hein? Tes souvenirs se saupoudrent? Lui ont répondu, on le verra jamais plus. Oh non, un drame encore. On le verra jamais plus. On va appeler Claude Poirier. Non, non, on va. Non. Il faudrait savoir si on risque de réentendre, OK? Réentendre qui? Est-ce qu'il faudrait savoir? On va aller dans le fil. On va aller dans le fil, OK? Voilà. Jamais plus. Ouais. Il venait de faire isoler sa maison. Il me semble qu'on a manqué un bout, hein? Sa femme pissait de bébé. Ouais, on a manqué un petit bout. Son mort du cancer. Ah, non. La mort du cancer, là, on le savait pas, ça. Donc, on va reculer, mais je vais pas vous faire entendre le blablabla parce que ça peut être très, très tannant pour vous. Surtout si vous n'êtes pas des initiés de montage sonore, là. Ça peut vous perforer. La patience. Puis si ça vous perfore la patience, dites-vous une chose, je risque de ne plus être dans vos préférés et vous direz à tous vos amis, vous savez, les races canadiennes, là, ah, écoutez plus ça, là. Ah, non, ils vont des ils vous faire tourner des chansons, puis on comprend absolument rien, puis... Voilà. Il venait de faire isoler sa maison. Ah. Sa femme pissait de bébé. Oh non! Il pensait jamais! Ben, y a pas grand monde qui pense mourir d'un cancer, hein? Quand tu commences à devenir adulte, quoi qu'il y a même des enfants malheureusement qui en meurent, mais tu dis pas, ah ben, ouais, on va peut-être mourir du cancer, hein? C'est une mort agonisante, puis ouais, moi je choisis là, le cancer de la mouche, tiens. Hey, tranquillement, la chimio de la mouche, puis ah, mon Dieu, la langue, cancer de la dent, puis c'est monaque. Avez-vous dit ça? Avez-vous raconté ça à Ève? L'histoire, là, ouais, de. Vous l'avez. Avez-vous rencontré Ève? Elle aimerait. Ben, sans doute que si elle pourrait savoir davantage sur son Adam. Ève, Adam, Dan, Adam, Ève, Adam, hein? Adam Pont, on continue. Que l'isolant. Oh. L'isolerait autant. Et bonne. Pas trop long. Pas trop long. Pour Roland. Déjà là, s'appeler Roland, c'est comme s'appeler Rénal, c'est rrr, ça ronronne. Ça sent la griffe. Sentez-vous la griffe? Comment ça sent comment une griffe? Bien, ça se sent. Sur la peau, ça se sent sur du tissu aussi. Pas facile de faire de la radio, hein? Ça se sent sur du tissu aussi. La liaison est pas très, très adéquate. Ne faites pas ça à la maison, surtout si vous faites des émissions de radio. C'est une chose à ne pas dire. C'est comment? Combien sont six sous? Là, ça fait longtemps que c'est plus si saine. One, two, three, four. Je suis contre ça, je vous l'ai dit. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dansons. Le Pitbull. Pitbull. Pitbull. Dansons. Le Pitbull. Pitbull. Pitbull. Danse, danse, danse, danse, danse. Danse, danse, danse, danse. Oh. En signe de détresse, on bouge un peu les fesses. À gauche, à droite. Oh, c'est un SOS. Oh, papa, papa, papa. Oh, oui, hein. Vous, monsieur, le SOS, vous connaissez ça? Vous avez dirigé beaucoup de SOS dans votre vie. Là, vous êtes à votre retraite, donc que vous vous calmez le SOS. Ah, ouais, ouais. Mais comment, déjà là, c'est pas un travail commun. Vous êtes combien à être dans ce milieu-là? À peine 2-3. Ah, ouais, ouais. Mais ces 2-3-là, ça demande une formation. On m'a dit, ben, on vient de me dire dans l'oreillette, parce que je porte une oreillette. Nous autres, des gens de radio, on a des souffleuses. Pas besoin d'hiver, là. Moi, j'ai 3 souffleuses. Comment vous les nommez? Ah non, il faut rendre à César ce qui est à Balthazar. La souffleuse, ben, il y a Rita Biblo qui me souffle. Il y a Joanne Bottin. Ben, elle est toujours en train de regarder les bottes. Ah, et puis, il y a Lisette Marchessault. Et c'est une stagiaire. C'est une jeune stagiaire qui essaie de sortir de sa stagiairie pour trouver un emploi plus rémunérateur. Mais pour le moment, elle a voulu prendre ça dur, hein, comme elle me le dit souvent, parce qu'elle ne vient pas de Québec, elle vient pas du Québec. Elle dit « Moi, je me la fais à la dure! » Elle n'a pas une voix comme ça, mais elle se la fait, c'est son père qui dit « Elle veut se la faire dure! Hein. » J'ai dit « Elle fait dur. Pour faire dur, elle fait dur. Ma grand-mère disait « Dur sur le chapeau dur. » Plus dur que ça, là. Wow! Alors, j'ai 3 stagiaires et... Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Vous aussi, vous aviez 3 stagiaires. Ah, ouais, ouais. Ben, ouais, hein. Puis, c'est pas bien grave, la vie, hein. Oh, ouais. Il faut prendre ça avec un grain de sel, n'est-ce pas? Ah, ouais, ouais. Puis, si je vous dis qu'on est lundi le 12 novembre 2018. Ah, ouais, ouais. Puis que j'ai une invitée extraordinaire qui risque de vous faire tomber par terre. Et pour ça, je vais pas entendre votre. Ouais. Je veux entendre. Ah! Hein, êtes-vous capable de faire ça, hein? Ouais! Pas sûr, moi. Quoique, si je vous nomme son nom, attention, Emmanuel Cadoret. Je le savais! Oh. Dansons! Le pied de moule! Danse plus, bouge plus. Danse, bouge plus. Bah, touche plus. En signe de détresse, on roule un peu les baisses. À gauche, à droite. C'est bien le loup. Le loup, le loup. Le loup qui est triste. Hey, le loup qui écoute Céline Dion. J'avais trouvé quelque chose sur Céline Dion. Une chanson. Ah oui! T'es con. On va la faire, puis après ça, je vous propose mon invité, puis on part là-dessus, OK? C'est. Je peux pas vous dire son nom. Ça commence bien. Je peux pas vous dire son nom, mais il y a un nom et un prénom. Mais c'est. La mélodie est pas de moi. Le début, non plus, mais la suite, oui. C'est simple, ça. T'es con. T'es complètement con. T'es con comme chanson à Céline Dion. Comme un accordéon sans piston. T'es con. Ça vient de moi, là. T'es con comme une chanson de Céline Dion. Comme un accordéon sans piston. T'es complètement con. Et je veux rajouter des... Pourquoi c'est con? Lui, il y a une façon de la... Je vais vous... La semaine prochaine, je vais essayer de vous trouver le disque. Puis on... C'est pas très... Oui, je sais. Ça... C'est pas une bonne idée d'avoir fait ça de même. Puis on devrait la couper. Là? Moi, vous la coupez, moi? Couper, c'est bien beau, là, mais faut continuer. Facile de dire, on va trancher dans le gras. Facile, ça, de dire après, ben si on se trompe, on va tricoter autour. On tricote pas autour ici à Irance-Rénadienne. On tricote pas autour, on se la fait à la dure. Ça fait dur, souvent ça fait très dur. Ah, ça fait très dur. C'est une expression québécoise, ça fait dur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait dur? Ben, ça fait dur. Quand on dit tu fais dur. Non, mais tu, pas pitié, mais tu fais dur. T'en arraches. Qu'est-ce que ça veut dire, t'en arraches? Ben, c'est comme Jean Arrache. Connaissez-vous Jean Arrache? C'est un poète québécois, c'est pas une blague. C'est ça, ben c'est ça, c'est son nom de, qui s'est offert de créateur. Je sais pas si on s'offre ça comme... Moi, je suis un poète québécois. Et début 19e, et bon, je travaille, mais pas dans mon métier de créateur de poète, donc j'en arrache. Je vais trouver sans doute ce pseudonyme-là pendant toute ma carrière de poète, donc j'en arrache. Puis c'est des textes incroyables de Jean Arrache. Allez voir dans les bibliothèques. Lâchez les ordinateurs, fermez vos cellulaires, quittez, marchez. Prenez pas l'autobus, marchez vers la bibliothèque la plus proche. Il y en a plus, je sais, comme il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église, on devrait mettre des livres dans les églises, ça serait plus intéressant. Ça, c'est mon coup de cœur. Non, mon coup de griffe. Hein? On ferme les bibliothèques, on ferme les églises, en remplissant ça de livres, au moins on va s'éduquer. Aujourd'hui, le lundi 12 novembre 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour. Cette semaine et la semaine prochaine, nous serons avec Emmanuel Cadoret. Ah, je sais, vous me dites, ah, c'est pas vrai. Tu rigoles. Tu fais ton fanfaron. Tu te prends pour un... je ne sais quoi. Non, je sais qui je suis. Et je sais aussi qui elle est. Emmanuel Cadoret. Vers le cercle polaire, à l'avant d'un brise-glace, avenue du chemin vert, tout seul dans une impasse, au début d'un amour, dans les marais salants, en passant par la cour, en plein chambardement. On pourrait disparaître sans s'en apercevoir, être au début de la journée des grands départs. On pourrait s'éclipser sans prévenir du retard, sans oblitérer son ticket à la gare. Dans une voiture blindée, arrivé au sommet, en bas de l'escalier, perdu dans la forêt, au milieu de la piste, dans une galerie marchande, très loin du précipice, en marchant sur la lande. On pourrait disparaître sans s'en apercevoir, être au début de la journée des grands départs. On pourrait s'éclipser sans prévenir du retard, sans oblitérer son ticket à la gare. Contre moi, et pendant qu'il rêvait, je ne dormais pas. Les battements de son cœur étaient souvent violents. Moi, je passais des heures à diviser le temps. Mon lit était fragile et je marchais dessus. Je marchais sur un fil. Le chien tremblait, je lui donnais mon froid. Puis je le réchauffais en lui parlant de toi. Car j'y laissais des plumes dans cette cage à poules. Et tout ce que nous fûmes dans le vent et la houle. Mon lit était fragile et je marchais dessus. Je suis en fin, tu ne m'aimes plus. Pour me faire traverser le lit de la rivière. Ben oui, ben oui. Ben ça va très bien. Excellent, il fait beau. Il fait beau, c'est l'été, tout va bien quoi. On devait se rencontrer l'année dernière. Ah bon? Ben oui, mais ça n'a pas fonctionné, je crois que tu partais en vacances ou quelque chose du genre. Ah ben j'ai pas du tout le souvenir, dis donc. Ah ouais, ben tu regarderas le dans notre le, discours dans là. Ouais, c'est ça, dans l'historique. Des rencontres en 2017, je t'avais envoyé quelque chose, mais je crois que tu avais un spectacle ou quelque... Ah ouais, je partais, j'avais un concert en Bretagne, je voilà, crois. C'est ça, mais c'est pas grave, nous voilà maintenant. Ah, je me souviens, ça, ah, vient, ça me revient. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et voilà, c'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, très heureux de te rencontrer. Eh ben moi aussi. Donc, moi je t'ai connu grâce à... Ah oh, ben oui, grâce à Internet, belle magie Internet. Merci Internet. Oui, mais comme ça, on peut communiquer sans même se voir. On peut. C'est ça que. Puis nous, on peut diffuser notre musique sans passer sur les ondes et à la télé. Donc c'est... Mais en même temps, c'est un peu se tirer dans le pied puisque la musique n'a plus cette effervescence qu'elle avait. Ouais, c'est compliqué. Hein. Enfin... On vend plus d'albums. Ouais. On vend des chansons. Ouais. C'est vrai. Mais... C'est l'effet pervers, mais en même temps, c'est compliqué, je trouve, comme sujet. Parce qu'il y a du bon, je pense, dans Internet. Et il y a aussi des effets pervers. Et au final, l'industrie, elle continue de fonctionner pareil, quoi. Malgré tout. Elle continue à faire de l'argent. Ouais. Mais les artistes, peu. Mais les artistes, ah, c'est une magouille un peu sournoise. Qu'est-ce qui me plaît chez toi? C'est... Ça enregistre pas là? Oui. Si, ça enregistre? Ah oui. Ah, excellent. Je ne perds pas une goutte. Alors là, il n'y avait pas de filtre. Là, ben, c'est. Ah, ok. Ah oui, tout est. Oui. Tout est dans les poils. Et tout est dans les poils. Ça a l'air de rien. C'est des. Tu sais, les crocs, là, à un moment donné, dans les années 80, là, des crocs, là, c'est des petits bonhommes avec des cheveux. Mais il y a une chanteuse qui a appelé ça la chatte. Donc, ce sont des chattes. Ok. Ouais. Mais elles ronronnent pas. Voilà. Elles sont sages. Hein. Elles sont très sages, oui. Elles ont été nourries, donc... Bon, ben, c'est bien. Voilà. Moi, ce qui me plaît chez toi, c'est les mots que tu utilises. C'est la façon dont tu amènes un sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? D'où viens-tu, si tu veux un peu te dresser là, un portrait? Moi, je suis née en... J'attends juste que le camion passe. Oui, pas de problème, il n'y a aucun problème. Je suis née dans une région qui s'appelle la Bretagne. Oui. Et avec ma sœur qui était, elle, pianiste, donc qui faisait des cours de musique à l'école de musique. Ouais. Oh, okay. Dès enfant, on a commencé à chanter ensemble des reprises. Elle jouait au piano et on faisait des duos à deux voix. Et des reprises de chansons françaises? Oui, ouais, des chansons françaises. Lesquelles? Ma soeur était fan de Barbara, mon frère était fan de Léo Ferré, mon père était fan de Jacques Brel, ma mère était fan de Brassens. Oh. Et moi, j'étais fan des Beatles. Des Beatles, ok. Ouais. Donc moi c'est ça en fait, ça, à l'adolescence j'ai eu un choc en écoutant les Beatles, qui m'a donné envie de moi-même apprendre la guitare, juste pour jouer les Beatles et les chanter, c'était juste ça l'objectif. Et puis petit à petit, j'ai commencé à essayer de trouver mes morceaux. Et avec ma sœur, elle qui était déjà une bonne musicienne, on a commencé à écrire nos propres chansons vers... Moi, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et qu'est-ce que tu voulais raconter à 17 ans dans tes chansons? Ah, bah là, je pense que c'est des âges où on a envie un peu de lâcher ses préoccupations adolescentes. Donc c'est quand même assez auto-centré à ce moment-là et je pensais, voilà, c'était surtout ça, quoi. Mais est-ce que c'est des chansons qui te tiennent encore à cœur et que tu reprends sur scène ou tu les as abandonnées parce que c'est non, plus... pas du tout. Non. J'ai pas mal de chansons et il y en a une que j'ai gardée donc qui date de 2003. Oh, c'est pareil. Il y en a, voilà, c'est la seule qui est aussi vieille, quoi. Pourquoi les autres ne tiennent plus le coup? Parce que mes préoccupations ont changé, je pense. Et musicalement, ça a quand même pas mal évolué. Parce que je suis autodidacte et j'ai quand même beaucoup progressé. C'est une école. Bah, c'est une école, mais qui prend du plus de temps que si on n'a pas les bases. Ah oui. Voilà, donc, ouais. Donc je sens que même encore, je continue de progresser. Donc, ça ne se finit pas. Ça se termine pas, et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi la rencontre avec d'autres artistes qui peut alimenter un peu ta connaissance. Oui, moi, je pense qu'on... C'est ça qui est super dans, dans cette discipline, hein. C'est que tout nourrit en fait notre art. Donc ça peut être la rencontre avec d'autres artistes, la rencontre avec des gens qui ne sont pas artistes, la vie, l'actualité, enfin on se nourrit de tout ce qui fait la vie, quoi. Et qu'est-ce qui t'amène à prendre le crayon? Alors, c'est différent de quand j'étais plus jeune, où, comme je te disais, bah là, on a plus envie de lâcher. Donc, je me rends compte que j'avais besoin presque d'être dans un état un peu triste pour lâcher. Et maintenant, je fonctionne plus du tout comme ça. C'est assez... J'ai justement besoin d'être bien en forme pour écrire, d'être... Souvent, c'est quand même le sujet d'actualité. Là, en ce moment, je suis beaucoup plus dans un répertoire engagé, on va dire. Depuis quelques années, ouais, je sens que je me nourris plus de l'actualité et des autres que de moi-même et de ma propre vie, pas forcément intéressante. Plus. Mais tu te considères comme une féministe? Je me considère comme quelqu'un qui aime les êtres humains et les femmes faisant partie de l'humanité. Mais je me sens pas... Aujourd'hui, féministe, c'est un côté un peu péjoratif et presque un côté un peu agressif vis-à-vis des hommes. Et moi, bien sûr, je suis féministe, mais pas contre les hommes. Tu n'es pas extrémiste? Pas extrémiste, voilà. Et comme je le disais, qu'est-ce qui te fait prendre le crayon aujourd'hui? L'actualité, la connerie humaine. Moi, je suis très touchée par ce que je me sens moi-même dans une situation comme ça, difficile socialement, économiquement. Et ça me touche, beaucoup, et j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Et là aussi, je parle des difficultés que beaucoup de gens ont. Et je suis dans le paquet de toute façon, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que les gens te retournent un peu ce que tu écris en disant, ben, tu viens de raconter un bout de ma vie, un moment de mon histoire? En ce moment, les chansons qui font réagir les gens, j'en ai une qui s'appelle Sabotage, là, que je vais enregistrer bientôt. C'est plus une chanson engagée, et je sens que celle-là, les gens réagissent, pas en me disant... Tu parles de ma vie, mais plus en disant, tu dis quelque chose que moi j'aimerais dire et que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui prend le flambeau, quoi, et qui c'est un petit peu une chanson d'insurrection gentille, hein, insurrection dans le calme, c'est une chanson qui appelle à se réveiller un peu et à agir et à brasser un peu l'esprit. Voilà, ouais. Donc c'est plutôt des chansons engagées en ce moment qui... Est-ce que c'est des mots qui amènent des idées ou l'inverse? Les deux, je dirais. Parce que j'ai un rapport aux mots, j'ai un rapport à l'écriture très viscérale. C'est-à-dire que j'ai, depuis très très très longtemps, j'écris tous les jours sur un cahier, y compris les choses inintéressantes de ma vie, comme j'ai mal dormi. Voilà, donc j'ai un rapport à l'écriture au quotidien. Et après, quand je regarde par exemple un reportage ou que je lis un article ou que je lis un livre, si un mot me plaît, je vais noter le mot. Donc j'ai un travail quotidien. Alors c'est même pas un travail, c'est quelque chose de... C'est rendu un réflexe. C'est automatique, ça ne me coûte aucun effort. Et quand j'accumule toute cette matière-là, je prends mon cahier et là je tire l'essence qui, moi, va me permettre de faire des chansons. Donc, je peux dire que les deux, il y a des idées nourrissent les mots et les mots nourrissent les idées. Est-ce que tu vois, bien, tu as commencé à écrire à 17 ans, donc c'est certainement qu'il y a un cheminement, mais est-ce que tu vois le chemin que tu as traversé à travers les écrits que tu as... Ah ouais.

les décors où je suis avec toi. De tes yeux, de ton âme, de nos bulles, de champagne, de nos nuits, de tes bras, de tous les lits où je rêve avec toi. Fascinant aussi dans plus j'avance dans ce métier, c'est que c'est vraiment un parcours de vie en fait, et un parcours spirituel aussi, un parcours artistique quoi, donc avec beaucoup de remises en question, surtout quand on est dans, comme moi quand même, dans une situation où j'ai pas eu de succès, je continue à faire mon métier et tout ça, mais forcément, on va chercher, quoi. Moi, je cherche, quoi. Est-ce que tu trouves ça difficile de recommencer à chaque fois, un peu comme le Sisyphe à monter ta boule et la laisser redescendre? Moi, en fait, dès que j'ai fini une chanson, j'ai envie d'en faire une autre. OK. Qui est presque une réaction à celle que je viens de faire. C'est-à-dire que si j'ai fait une chanson avec des arpèges très lentes, la chanson d'après, je vais avoir envie de, d'un truc rythmique. Et que ça brasse davantage. Voilà, donc il y a. Je suis toujours. Et c'est ça qui nourrit ma passion aussi, c'est que moi, ce que j'aime par-dessus tout faire dans ce métier, c'est faire des chansons. Et tu les chantes sur scène avant de les en disquer, donc tu vois le travail. Ouais. Et surtout la réception des gens. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons qui se retirent toutes seules par leur évidence? Il n'y a pas de réaction? Ou tu trouves qu'elle fonctionne moins bien lorsque tu l'as fait? Ben justement, ces derniers temps, j'ai un peu laissé tomber les concerts pendant 2 ans. Okay. Pour vraiment me concentrer en home studio. Donc il y a des chansons que j'ai beaucoup, beaucoup travaillées en studio avec des arrangements et tout ça. Et là, je les ai testés sur scène, guitare-voix. Et là, il y en a certaines où j'ai senti que ça tenait pas comme ça de guitare-voix. Parce que je les avais construites avec des arrangements et tout ça. Mais tu vas les garder sur disque, mais tu les feras pas sur scène. Faut que je trouve une formule, soit avec des boucles, soit avec ouais, pour les intégrer. Donc, de toute façon, oui, les chansons, ça se... Moi, je fais quand même attention à ce que le public me dit, ou mes proches qui viennent me voir en concert. Ou souvent, quand même, les chansons qui sont les plus fortes suscitent des réactions de pas mal de gens. Donc voilà, moi, c'est ce que je cherche, c'est d'avoir un set quand je fais un concert où il y a le maximum de chansons qui... Je sais, ça fonctionne. Ah oui. Mais après, je suis quelqu'un qui déteste faire 2 fois les mêmes concerts. Okay. Et j'adore me mettre en danger. Donc, dès que j'ai une nouvelle chanson, je calcule même pas à la roder ni rien. Je vais tout de suite la faire sur scène. J'essaye beaucoup de choses. Je change mes ordres. Ça fait que je pense que les gens qui viennent me voir en concert, ils verront jamais 2 fois le même truc, même à une semaine d'intervalle. Oui, mais ça me... Stimule. C'est du bon tract. Bon tract, ouais. Rien n'était malade, vomissait. Toi, t'es beaucoup plus en maîtrise de toi-même. Ça va, ouais. Dans certains contextes, ça peut être un bon tract, bien flippant. Et à d'autres moments, dans d'autres contextes, j'ai pas du tout de tract et j'adore aussi. Hein. C'est bien aussi. Est-ce que tu racontes... Parce que moi, j'ai entendu uniquement les chansons, donc j'ai pas vu les introductions. Est-ce que tu racontes les chansons avant de les chanter ou tu enchaînes? Ça dépend des chansons. Il y a des chansons où je trouve ça important de faire une petite introduction, de cadrer. Bah, tu vois, par exemple, celle dont je te parlais tout à l'heure, oui, qui s'appelle Sabotage. Mon introduction, je dis « Il n'y a pas si longtemps, les ouvriers utilisaient leurs sabots pour bloquer les machines auxquelles ils étaient asservis. Sabotage. » Voilà, ça, c'est l'introduction de la chanson. Et je me rends compte que plein de gens sont venus me voir après le concert en me disant ils ont plus presque retenu, disons, l'introduction les a marqués aussi, parce ouais, que ça raconte l'histoire du mot sabotage, ça raconte... pour moi, cette... C'est la genèse de la chanson. Exactement. Et bon, il y a certaines chansons où on n'a pas besoin, où c'est plus fort si on dit rien et qu'on y va, quoi, je pense. Donc, aimes-tu surprendre les gens avec tes chansons? Bah oui, c'est ce que je te disais. À chaque fois que je fais un concert, de toute façon, j'aime me surprendre moi-même. C'est-à-dire ne pas être dans quelque chose que j'aurais millimétré. J'aime bien. Donc tu vois, pareil sur les introductions, je me laisse toujours une part d'improvisation selon ce qui se passe dans la salle aussi. J'ai un cadre, mais j'aime m'éloigner J'ai quand même un univers assez qui cherche à toucher les gens dans l'émotion et j'aime bien aussi déconner, tu vois, pour aérer un peu, parce que je suis quelqu'un dans la vie qui aime bien rire et je suis pas du tout, je suis beaucoup moins plombée que mes chansons dans la vraie vie, tu vois. Donc j'ai envie aussi de... Parce que sur scène, je ne suis pas un personnage, je suis moi-même. Donc j'ai envie que ce soit aussi ma personnalité, qu'on la voit aussi. Elle ne va pas forcément se voir en entier dans mes chansons, où je vais plutôt chercher quelque chose... Je vais gratter là où ça fait mal, quoi. Je dis rarement « la vie est belle, on s'éclate » dans mes chansons. Donc... Je pense à... C'est ton côté sublime? Oui, ou côté un peu... Rentre dedans, où j'ai envie de... De visser. J'ai envie de dire ce qui va pas plus que ce qui va bien. Il y a une expression québécoise, c'est visser au plancher. Tu veux visser au plancher? Ouais, c'est ça. Visser au plancher. Visser au plancher. J'adore vos expressions. Oui. Vous êtes des poètes. Ah, oui, ben oui, la langue française est poésie. Donc, mais as-tu des inspirations en écoutant des chanteuses? Est-ce que tu te dis, ah, mais là, il y aurait peut-être quelque chose, moi aussi, à faire, je sais pas, Barbara, ou des intonations, ou des phrases, ou l'environnement, ou même la personne? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, aujourd'hui, qui t'en marquent encore? Je me rends compte, il y a plein de gens qui m'ont marqué, plein d'artistes qui m'ont nourri et tout ça, mais je crois pas. Contrairement à quand on est plus jeune, où peut-être on peut être inconsciemment dans une forme d'imitation, ouais, je pense que quand on avance dans ce métier, et c'est un peu pour moi la quête, c'est être soi-même. Et même dans la vie sans être artiste, je crois qu'au final, on est dans un monde où ça peut être difficile d'être soi-même, juste soi-même. Et pour moi, c'est ça. Vivre bien, c'est ça, c'est être soi-même. Donc j'essaye plus aussi artistiquement de me trouver moi-même. Alors ce moi-même est forcément influencé par plein de chanteurs et de chanteuses. Mais alors c'est pas inconscient, imitation, et c'est pas voulu, quoi. Et comme disait M. Solar, imitation égale limitation. Ben oui, c'est ça. Est-ce que dans tes chansons, tu te fais à chaque fois, ou presque à chaque fois, une psychanalyse? C'est quelque chose qui est en toi, que tu veux révéler. Est-ce que c'est une psychanalyse d'écriture? C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'irai pas jusqu'à psychanalyse, mais c'est un chemin spirituel. C'est quelque chose... Comme tu disais, la quête. Il y a une quête, il y a une recherche de quelque chose. Moi, je sens qu'à chaque fois, je recherche quelque chose. Est-ce que ça te surprend, ce qui sort de toi, quelquefois? De moins en moins, c'est ça m'inquiète. Oui. Là, je suis dans une période où j'ai envie de casser certains automatismes que j'ai. Okay. Comme Brel en avait, puis c'est pour ça qu'il a arrêté la chanson, parce qu'il y avait trop d'automatismes. Il dit, là, c'est rendu trop facile. Oui, là, j'ai l'impression que savoir faire... correctement une chanson. Ouais, d'avoir de savoir faire avec ma patte, avec mon style d'écriture, avec ma signature. Alors, c'est une signature que tu veux pas avoir. Bah, j'ai envie là maintenant de pouvoir me surprendre aussi moi-même et aussi proposer autre chose à mon public. Donc, tu vois, je suis dans une forme moi d'écriture très très classique, avec c'est très carré. Refrain, dans les structures, dans les rimes et tout ça. Et là, j'essaye de casser ça, en fait. C'est un peu la recherche dans laquelle je suis en ce moment. Et c'est ça qui est appétissant. Et aussi, dans la quête, pour en revenir à ce qu'on disait, dans la quête spirituelle ou dans le chemin qu'on fait, c'est bien d'aller voir où on sait pas faire, quoi. Enfin, un peu de se perdre à travers nous. Ouais, enfin de chercher en se perdant, se trouver, ouais. Quoi. Et s'élargir en fait. La vilaine était belle, on s'y noyait souvent. Cette vie nouvelle où l'on avait le temps de goûter à la nuit pour finir au matin sous la brume et la pluie, le froid et le crachin sous la brume. Triste, on s'y baignait pourtant. Quand on entrait en piste, on y restait longtemps. On goûtait à l'amour comme on goûte au chagrin. Sous la brume. à faire. Quitter la terre nourricière, tu trouveras la félicité. Mais je n'ai pas fait le grand plongeon vers ce soleil et ses rayons. Et comme elles ont haussé le ton, j'ai fini par couper le son. Je n'ai pas fait le grand plongeon vers ce soleil et ses rayons. Et comme elles ont haussé le ton, j'ai fini par couper le son. Couper le son. Couper le son. Couper le son. Des voyages, des routes de l'errance. Je veux des combines, des forêts primaires, de l'adrénaline, du vocabulaire, des trous de mémoire, de l'incandescence, fumée de cigares et nouvelles substances, du plein et du vide, agir en guerrière, devenir solide comme le plomb et la pierre, des fautes de langage, des tours de magie, de faux mariages, pas de cérémonie, du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon au chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Je veux des partances, viser l'inconnu, tenter ma chance, vivre à moitié nu, brûler les charpentes, forcer le passage, prendre la tangente et tourner la page. Un paradis vert, marcher sur les mains de l'imaginaire, passer mon chemin, des luttes, des combats, des pertes et des gains. Je veux de l'humain, ni plus ni moins, du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon en chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau. De dopamine, pour qu'enfin, enfin je divague, viens planquer au fond de la mine, pour y voir encore moins clair, mais assurer mon maintien dans ce monde crépusculaire à la recherche de mes moyens, par goût de la mascarade, éviter la concentration, pour me trouver toujours en rade, dans un champ de ruines, l'expansion. Et jouir de la récompense avant l'effort, la sueur au front, à la recherche de concordance, me faire la conversation. Pour les cavernes, les puits sans fond, les mornes plaines et les prairies, pour y creuser l'inspiration, un petit souffle de vie, chercher le calme, la détente, avancer dans la légèreté, mais toujours en bas de la pente, impossible de remonter. Pour me faire un peu violence, naviguer dans une eau sale, entre grandeur et décadence, pour tout poser sur la table, pour tirer mes conclusions, m'accuser d'inconséquence, revisiter mes ambitions, pour me donner une dernière chance. Demain je saurai respirer, et légère comme une plume, je l'aurai ma vérité, je saurai pourquoi je fume. Demain je saurai respirer, et légère comme une plume, je l'aurai ma vérité, je saurai pourquoi je fume. Surtout ça. Ne pas rester dans quelque chose d'acquis et de. Un peu comme Juliette, chaque album est différent, c'est toujours surprenant. Donc tu veux surprendre, te surprendre et surprendre le public. Ouais. Tu connais ça. Un peu Juliette, ouais. Oui, oui, bien sûr. Okay. Alors c'est ça, tu veux toi-même être surprise et surprendre les autres. Ben, je veux moi-même me sentir dans mon art avoir élargi encore plus ma palette. C'est le même rapport que j'ai avec les instruments. C'est-à-dire, avec la guitare, j'essaie toujours de savoir faire plus de choses. Je me suis mis dans l'apprentissage de la batterie il y a 2-3 ans. Les voisins Non, j'ai une batterie électronique, donc c'est okay. Casque. Ah, oui. C'est plutôt c'est mes oreilles, en fait. Ouais, qui écope. Non, donc c'est ça qui est bien. Bah, à Paris, de toute façon, j'adore. J'adore ça et ça me. Alors mon but là-dedans n'est absolument pas de devenir batteuse et de. Phil Collins féminin. Ah non. Non, puis je serai jamais parce que. Mais c'est le plaisir aussi de. Ah, il y a un plaisir et moi j'ai besoin aussi de. Mais c'est côté sauvage la batterie aussi, c'est. C'est physique. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de physique, le corps est engagé. Totalement. Et surtout avec les vraies batteries, le pied. Ouais. Voilà, moi j'ai. Du coup, j'ai quand même de quoi faire le pied et tout ça, donc j'ai tout ce qu'il faut. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et sur scène, veux-tu l'utiliser aussi? Alors sur scène, là, je suis partie dans une formule depuis le mois de septembre, guitare-voix, avec parfois quelques boucles. Et donc je suis en pleine recherche aussi et de développement de ce projet-là toute seule, parce que c'est la première fois que je joue sans musicien. Ok. Et je me suis rendu compte que je voulais pas être, je sais pas si vous connaissez au Québec, Rémi Brica, homme orchestre, et que c'est pas trop ça non. Que je voulais faire. Okay. C'est-à-dire j'ai... Un genre de Bob Dylan avec la musique à bouche et la guitare. Ouais, voilà, qui fin... Il y a pas mal d'artistes qui font ça, où ils se bouclent en direct et tout ça. Alors moi, je trouve ça super que les autres le fassent. On n'entend plus parler, malheureusement. Ah, je crois qu'elle continue. Elle a... Ouais, c'est tranquille. Le premier album était là. Ouais. Donc, c'est ça aussi, la peur de monter aussi haut. Puis, C'est ça. Et toi, si tu voulais reconquérir la guitare, reconquérir tes chansons aussi avec uniquement guitare quoi. C'est ça. Venir à... En fait, c'est la... C'est pareil, tu vois, dans l'idée de se mettre en danger et de soi-même se surprendre. Depuis que je fais de la musique, comme moi j'ai fait ça avec ma sœur au départ, j'ai toujours dans ma tête, je me suis toujours dit, guitare-voix, ce serait inintéressant, donc il faut des musiciens. Et j'ai toujours abordé la musique dans l'idée que j'avais besoin et que mon projet n'était intéressant qu'avec des musiciens. Okay. Et après une mauvaise expérience avec un musicien, je me suis dit, allez hop, j'y vais toute seule. Bah, j'avais des dates à honorer, le musicien m'a un peu lâché au dernier moment, donc j'ai honoré les dates et je me suis rendu compte que c'est en train de me donner beaucoup de force que je n'avais pas avant. Surtout, ça fait un cachet uniquement pour toi. C'est ça. Non, mais ça, bien sûr que c'est beaucoup plus viable. Ben oui. Tout seul, hein. Ben oui. Puis tu peux te promener n'importe où avec une guitare. Parce que si c'est piano ou voix, c'est plus compliqué. C'est le but aussi, là. Tu vois, je suis allée. Ma sœur habite à La Réunion maintenant. Je sais pas si tu vois, c'est une île. Oui. Donc je vais régulièrement là-bas, je fais des tournées et tu vois, c'est aussi, dans l'idée de pouvoir prendre l'avion avec ma guitare, mes pédales et là je suis allée jouer aussi à Madagascar, tu vois, donc... Comment le public accueille tes chansons là-bas? Eh ben ça a été étonnant, ça a été très très très étonnant à Madagascar, il y avait pas mal de nationalités différentes, il y avait beaucoup de Sud-Africains. Il y avait des Malgaches, des Anglais, enfin tu vois, c'était... Et donc c'était étonnant pour moi, parce que c'était beaucoup d'anglophones, et moi je chante qu'en français. Et il y a eu une écoute incroyable, et j'ai compris que la puissance de l'émotion en fait, qu'on peut donner, parce que les gens sans comprendre, j'ai senti qu'ils captaient l'émotion, Donc ça a été très très fort là-bas. Nous-mêmes, lorsqu'on écoute une chanson, moi qui n'ai pas bilingue, lorsque j'écoute une chanson en anglais, on est interpellé. De un, c'est l'interprétation qui nous touche, c'est la mélodie, c'est l'ensemble. Donc on n'est pas obligé de comprendre. Et c'est ça aussi que tu t'es rendu compte là-bas, c'est que peu importe la langue, j'arrive à rentrer dans leur univers. Ben moi, ce qui était intéressant pour moi, tu vois, c'est souvent on me parle de mes textes. Et là, j'étais confrontée à des gens qui ne pourraient pas me dire « tes textes sont bien, j'ai bien aimé tes textes ». Et ils sont quand même venus me voir en disant qu'ils avaient bien aimé les chansons. Donc ça veut dire que ça m'a mise en confiance aussi sur la musique, la mélodie, sur les mélodies et sur tout ça. Quoi. Et sur, Est-ce que c'est la mélodie qui amène les mots ? Ça dépend. Ça dépend, pareil. Quelquefois, je vais avoir un truc à la guitare, tout de suite, une mélodie qui apparaît. Et là, je vais avoir très, très, très envie d'avoir un texte dessus et je vais... Tu fonctionnes au magnéto ? J'ai un home studio. Okay. C'est bien parce que tu peux faire déjà tes maquettes. Déjà ouais, tes... c'est ça. Donc, ouais. tu peux dire « je travaille tout le temps ». Exactement. C'est un peu c'est le problème. Mais... Oui. Enfin, mais moi, j'adore ça. Donc... Ben, c'est ça. Quand c'est ta vie, tu t'abandonnes. Ouais. Est-ce que dans cette évolution-là, tu vois un fil conducteur? Le fil conducteur, pour moi, c'est les chansons. C'est ça, moi, mon moteur. Et c'est ça, pour moi, le nerf de la guerre, c'est... J'essaye de faire des chansons qui tiennent la route et c'est ça qui est le fil conducteur depuis que j'ai commencé à faire ce métier. C'est ça qui me... Comme je te disais, quand j'ai fini une chanson, j'ai envie d'en faire une autre. Est-ce que tu sais à quel moment, quand tu places une chanson, quand tu en dis qu'une chanson, à quel moment tu t'arrêtes? Parce que Albin de la Simone disait, moi, c'est mon angoisse, je veux toujours rajouter des choses. Il y a un cuivre là, enlever une petite mélodie là. Donc, et ça finit jamais. Il faut mettre un point final. As-tu de la difficulté à mettre un point final sur tes chansons? Quand tu veux les indiquer, quand tu les indiques? Disons que mes expériences précédentes de disques, c'était avec mon groupe. Okay. Enfin, c'était avec des musiciens, donc les chansons, on les avait travaillées sur scène. À l'époque, je passais pas par mon home studio et tout ça, donc j'entendais ce qu'on faisait en répétition, j'enregistrais les répétitions. Et c'est vrai que quand on allait en studio, bah, étant dans une formule aussi autoproduite, j'avais pas hyper de temps, non. Donc... l'argent. Bah, voilà, c'est ouais. Ça. Donc, mes expériences de studio, c'est toujours, de toute façon, on n'a pas le temps, on fait tout. En home studio, c'est infernal. Et j'ai pris la décision d'enregistrer mes prochains trucs avec un réalisateur et de ne pas faire ça toute seule. Et parce tout que tu ne sais plus à quel moment t'arrêter. Ouais, non, et puis c'est infernal tout seul, en fait. C'est, parce que tu es trop proche de ton œuvre, tu ne peux pas avoir d'arrêt. Oui, tu n'as pas le recul et tu n'as pas d'altérité, tu vois. Tu n'as personne qui te dit, tu vois, de vouloir faire tout seul. Moi, ça m'a vachement apporté, mais là, la conclusion de tout ça, c'est que ça m'a donné envie de bosser avec un réalisateur. Mais en ayant forte de cette expérience-là, d'avoir fait tout toute seule aussi, donc... C'est d'apprendre de ses erreurs, comme si... Oui, c'est pas une erreur, en fait, ça fait partie du parcours, comme on disait. Tu vois, c'est... moi, à un moment, j'ai eu besoin de me dire... fais ta musique sans personne, enfin... Sois autonome. Ouais, voilà. Essaye de faire avec ce que t'as, donc c'est-à-dire ton petit home studio, et puis toi, ce que tu... Et ça m'a énormément servi, mais je te dis, quand même, la conclusion de cette expérience, c'est de me dire, j'ai envie de travailler avec quelqu'un d'autre. Avec... Voilà, ouais. Est-ce que dans le fait d'indiquer, tu choisis beaucoup de chansons ou tu fais uniquement des chansons pour le disque? Non, je pense que dans les choix de chansons à chaque fois pour mes albums, ça, c'est assez évident. Je prends les meilleures chansons, enfin celles qui me paraissent les mieux. Triste tout